Y'a la moitié de la street et puis c'est hôtel. La top 14 bac comme les gars qu'on la dalle. Vouloir nous dépasser mon gars c'est trop dur. Tout le raté en la quoi je peux dire que le crocodile. Elle pense me gérer mais elle est trop bad. Elle pense me gérer mais elle est trop bad. Elle me suce l'œil ouvert, elle a les yeux bandés. Elle me suce l'œil ouvert, elle a les yeux bandés. Si tu nous cherches là bas sera pas perdu. Faut dans ma surface tu grailles des pénalty. La prends parler en chaîne, elle me quoi je la fatigue. Ouais l'état nous faut chez la veut c'est la nature. 10h le lendemain elle a des courbatures. Demande à Ismax qui a sous la ceinture. 10h le lendemain elle a des courbatures. Demande à Ismax qui a sous la ceinture. M.I. j'ai des sentiments, t'es pour de l'argent. Disquette sur disquette, tu te la mettre dedans. T'as pas de rime mais tu joues sur le Coran. La vue qui rapporte la bouche quand j'mets les gants. H24 sont ratés avec mon boy m'attend. Y'a pas que les S qu'on tire, ouais demande à puissant. Les bleus sur le terrain, ouais veulent saisir la verte. Un billet de 20 et 10 ne font pas un violet. Le beat des meufs ont rendu parano. Parano. Tu tiens accro, elle veut tailler avec un os. Avec un os. Le beat des meufs rendu parano, parano. Tu cherches et tout, y'a pas de trafic, on trouve pas trop. T'es parano, parano. T'es parano, t'es parano, t'es parano. Eh, photo le rallye, rend parano. Ta soeur, je la remplis par un final. Big up au ref, Arco qui soutient depuis la première pub, notre page. Devant les feux, me change de visage. T'es quel genre de putain d'enfoiré? Dans ce game, nous faisons des ravages. Et c'est pédé, leurs projets ont foiré. La guerre, tu la veux, d'un qu'on est paré. Mettre les pieds dans ma tête et tu carré. Le mic, zonarise donc. Tigre belle est qu'à continuer. Elle est belle, elle est douce, elle est bonne. Avec le zèque qui me met la barre. À l'hôtel, elle veut me voir cette cochonne. Elle veut que je vienne lui mettre au tarot. Non mais allô, allô, allô, allô. Arrête de marteler, je suis au studio. Cette gola est devenue parano. Elle me parle de présentation de parents. Donc je vais sauver, sauver, sauver sous. Donc je vais sauver, sauver, sauver sous. Donc je vais sauver, sauver, sauver sous. Donc je vais sauver, sauver, sauver sous. Tu vis tes meufs, on rend du parano. Parano. Tu tiens à quoi, elle veut tailler avec un autre. Avec un autre. Du parano, parano. Tu cherches et tout, y'a pas de trafic, on tourne pas trop. T'es parano, parano. T'es parano, t'es parano, parano. T'es parano. Tu dis tes meufs, on rend du parano, parano. Tu tiens à quoi, elle veut tailler avec un autre. Avec un autre. Tu dis tes meufs, on rend du parano, parano. Tu cherches et tout, y'a pas de trafic. Parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano, parano,